vert des arts visuels à Québec. Jean-Tiens de la France anime cette émission en compagnie d'une équipe de collaborateurs. Chroniques, entrevues, reportages, capsules, revues de presse et tables rondes vous font découvrir sous toutes ses facettes les arts visuels à Québec. Communication, culture. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes à l'écoute de l'aérospatiale. C'est Jean-Tiens de la France qui est avec vous. Aujourd'hui, de retour à l'animation, j'en profite pour remercier grandement Claire Dumoulin de m'avoir remplacée la semaine dernière. J'avais un empêchement, un événement, un engagement. Et donc, l'aérospatiale, c'est votre magazine radio consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. Nous sommes toujours sur les ondes de CKRL 89.1. Et l'émission va débuter d'abord avec une entrevue avec Bernard Hamel au sujet de la deuxième rencontre du comité Art, Discussion et Questions qu'il a initié avec l'artiste Julien Lebarger qu'on a déjà reçu quelques fois ici à l'émission. Donc un objet qui m'intriguait beaucoup de savoir d'avoir ces rencontres avec une liberté totale pour parler d'art, parler de démarche artistique et chercher si on veut à aller chercher un peu toutes les idées qui se promène autour de l'art, de sa pratique, de la façon dont on le perçoit parfois. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, nous allons recevoir Christina Fortin, la reine des paillettes, c'est son surnom qu'elle se donne à elle-même, une artiste qui présente actuellement l'exposition « À cœur joie » à la Galerie A dans le Vieux-Québec. Et ensuite, c'est Audrey Caro, notre chère Audrey Caro, fidèle collaboratrice et ancienne co-animatrice de l'aérospatiale, qui va venir nous parler de la foire papier. Elle a eu l'occasion d'y aller régulièrement. Elle devait nous faire un reportage en direct cette semaine, mais il y a un empêchement qui fait qu'elle reste à Québec, donc elle va avoir le plaisir de venir me rejoindre en studio pour nous parler de ce rendez-vous annuel pour découvrir le marché de l'art au Québec. Donc, c'est vraiment la foire papier, c'est vraiment la foire la plus importante en art actuel dans toute la province. Donc, vraiment un événement d'envergure. Et c'est leur 12e année cette année. Et pour leur 12e année, ils ont décidé d'ouvrir à d'autres médiums. Donc, on va pouvoir retrouver, par exemple, sculpture, installation, peinture, etc. à la foire papier cette année. Donc, j'ai bien hâte d'en parler avec Audrey Caro. Mais pour l'instant, on va écouter nos propositions de Simon Roy cette semaine. C'est une compilation du distributeur Myrdal, une compilation qui s'appelle Please Common, donc qui date de 2012. C'est un album qui va regrouper plusieurs des groupes de musique alternative que ce label mexicain distribue. Donc on a de l'électropop, du chill wave, du indie pop, de l'électro rock, donc une très très grande variété de musique. Et on va commencer avec la pièce Queso du groupe Flaming Gods, qui est un groupe installé à Londres. Et vous allez voir, malgré le temps gris, ça va nous donner un petit peu de lumière dans notre journée. Ça va commencer un peu à sentir le printemps avec cette pièce-là. Et au retour, c'est Bernard Hamel qui vient me rejoindre pour parler de la deuxième rencontre du comité Art, Discussion et Questions. De retour à l'aérospatial, j'ai avec moi en studio Bernard Hamel. Bonsoir. Bonsoir. Bernard Hamel, tu es sculpteur et également coordonnateur du programme de sculpture à la Maison des métiers d'art de Québec. Je voudrais d'abord commencer l'entrevue comme ça, en parlant de la Maison des métiers d'art de Québec. Il y a certaines personnes qui la connaissent, mais elle est parfois un peu méconnue. On connaît plutôt les universités, les cégeps. La Maison des métiers d'art, c'est un peu excentré, si on veut, comme type d'institution. Ben, en effet, c'est vraiment méconnu, mais c'est affilié en fait au Cégep de Limoilou pour donner la formation en métier d'art. Donc, il y a 6 écoles ateliers à Québec, dont la Maison métier d'art en comprend 3. Donc, la métier d'art sculpture, il y a céramique, puis il y a construction textile. Puis, ben, c'est ça. On est mandaté par le Cégep de Limoilou pour dispenser le DEC en métier d'art de ces trois disciplines-là. Et c'est situé sur le boulevard Charest, là, ouais, à l'étage au-dessus de Materia, c'est ça? C'est ça, au coin de la couronne. Là. Et est-ce que vous avez beaucoup de c'est qui vos étudiants? Est-ce que vous avez beaucoup d'étudiants qui arrivent du secondaire ou c'est plutôt des gens qui se redirigent? Le programme est fait en sorte que ce soit des étudiants du secondaire qui s'y inscrivent, mais c'est pas ça notre clientèle majeure. C'est vraiment des gens qui ont déjà, mettons, un DEC en art plastique ou même une formation universitaire en art visuel, puis qui décident de venir parfaire leur formation en passant par l'école. Mais le programme est fait pour être bon pour tout le monde, en fait, là. Même si vous avez jamais rien fait en art, le programme est fait pour vous former adéquatement pour devenir sculpteur ou céramiste ou construction textile. Et on a, je connais quand même quelques artistes à Québec qui ont fait une formation universitaire en art et ensuite ont décidé d'aller faire, par exemple, ce DEC en sculpture. Qu'est-ce qu'ils vont chercher, les étudiants, en allant faire un DEC en sculpture? Qu'est-ce que ça apporte de plus à leur pratique artistique? Ben, ils viennent chercher ils viennent développer leur démarche artistique qui est quand même bien développée à l'université, mais au niveau technique, à l'université, moi, je l'ai fait, le programme, puis au niveau technique, c'est vraiment moins fort au niveau technique. Donc, ils viennent parfaire leurs connaissances techniques en sculpture, puis vu qu'ils ont déjà une démarche artistique de bien articulée, ben dans le programme en métier d'art, on vient pousser ça encore plus loin. Donc, leur recherche artistique va beaucoup plus loin. Et ça peut être intéressant pour quelqu'un, justement, qui retourne à l'école. À ce moment-là, les cours de base sont faits, puis on a du temps pour consacrer. C'est moins chargé, en effet. Oui, c'est ça. Donc, on a plus de temps à consacrer à ces études à ce moment-là. Ouais. Donc, les inscriptions, c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'au 1er mai, le deuxième tour. Donc, c'est vraiment bientôt, là. Puis, c'est important de s'inscrire avant le deuxième tour parce que souvent, s'il n'y a pas assez d'inscriptions, ben les programmes peuvent ne pas ouvrir. Mais là, il n'y a pas de problème. C'est ouvert, là. Mais c'est le fun parce que c'est des petits groupes qu'on a à la Maison de l'Étude d'Art. C'est très, je dirais, très personnalisé comme formation parce que chacun a ses idées. Puis en ayant des petits groupes comme ça, on peut mieux épauler les étudiants, en fait. Oui, c'est un suivi qui est très personnalisé pour les étudiants et c'est également une configuration de classe qui permet l'échange aussi, la collaboration, la discussion et c'est un peu la raison pour laquelle je t'ai invité ici, Bernard Hamel, ce soir. C'est pour discuter de ce comité art, discussion et questions. Il y a déjà eu une première rencontre qui a eu lieu le 28 février au Milestone. Et demain, c'est la seconde rencontre de ce tout nouveau comité. À ce que j'ai bien compris, c'est une initiative de toi, Bernard Hamel, et de Julien Lebargie. Oui. Et d'où vous est venue cette idée de former un comité pour réfléchir sur l'art? Ben, en fait, ça vient de la direction de la Maison des métiers d'art qui avait déjà un comité dans les autres disciplines, soit céramique et textile. Puis, on m'avait demandé en tant que coordonnateur de penser à un type de comité qu'on pourrait organiser pour la sculpture. Puis, mais c'était des comités de recherche dans les autres disciplines. Puis, en sculpture, je voyais pas trop comment, quel type de recherche on pourrait faire. Alors, j'ai plutôt pensé juste avoir un comité, un comité, j'aime pas le mot comité, mais un ensemble de personnes qui se rassemblent puis qui parleraient d'art tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de discuter d'art entre nous vraiment librement, sinon dans les cours. Puis en dehors des cours, on est dans notre atelier à travailler sur nos choses, donc on est cloisonné un peu. Donc, je me disais, ce serait le fun de juste se laisser aller puis discuter d'art entre nous, puis ouvrir ça à plein de monde aussi, plein de formes d'art, puis plein d'idées, puis ça pourrait stimuler plein de choses, puis moi, c'était mon intention, en fait. Donc, c'est des réunions qui se veulent ouvertes à tous. Oui. Ça se passe dans un café. Donc, la dernière édition était au Maelstrom. Celle de demain va avoir lieu à la librairie Saint-Jean-Baptiste. Quelle était l'intention de ne pas faire ça, justement, parce que ça aurait été facile de le faire dans une classe, après les cours, à la Maison des métiers d'art? Quelle était l'intention de sortir de l'école On veut justement que ça soit pas... la Maison des métiers d'art chapeaute, mais on voulait que ça soit sorti de l'école pour justement que ça soit vraiment libre, puis qu'on se sente plus à l'école, puis que ça ferait une diffusion aussi de la Maison des métiers d'art, puis que n'importe qui, d'autres artistes de l'université ou d'autres artistes qui n'ont pas de rapport avec la Maison des métiers d'art puissent venir discuter aussi. Sinon, ça vient qu'on pourrait tourner en rond un petit peu, puis tout le temps parler entre nous. Mais là, en ayant une ouverture comme ça, ça permet de pouvoir avoir d'autres idées, puis sortir de la Maison des métiers d'art. C'est important pour nous pour ça. On va écouter une pièce musicale de Black Pony, et au retour, on va parler un peu plus de cette première édition qui a eu lieu et de celle qui va avoir lieu demain. Yeah. De retour avec Bernard Hamel en studio, on parle de ce comité art, discussion et questions, donc une initiative, comme tu nous l'expliquais Bernard, qui vient de la Maison des métiers d'art, de toi et Julien Lebergie. Et j'étais un peu intriguée, moi je suis pas allée à la première rencontre qui a eu lieu au Maestrum. Ce sont des réunions qui se veulent libres pour parler d'art librement. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de cette première rencontre? Ben, en fait, on s'était mis un thème, c'était parler de différents types de démarches artistiques. Mm-hmm. Mais en fin de compte, en fin de rencontre, ce qui a comme sorti, c'est de redéfinir un petit peu, je sais pas comment dire, mais reformuler un petit peu la définition de ce qu'est les métiers d'art, de ce que sont les métiers d'art. Puis ensuite, après toutes ces discussions-là qu'on aura eues, ben ça serait de compiler tout ça, puis de faire une espèce de recueil écrit, puis qui serait chapeauté par la Maison des métiers d'art. Mais là, c'est encore très flou, puis c'est vague, puis on ne sait pas encore quoi. Oui, on est encore au premier balbutiement. Ouais, c'est là. Donc, la première rencontre a eu lieu, la deuxième est demain. Et puis, l'objectif, c'est d'en avoir de 4 à 6 par année, c'est ça? Environ, oui. On ne veut pas que ça soit trop récurrent pour qu'on puisse poser nos réflexions, mais on veut quand même que ça ne soit pas trop espacé, sinon on perd le fil un peu. Là, puis ça... Oui. Oh oui, et puis donc on a un objectif d'avoir une liberté de discuter à propos de l'art, mais comment ça se passe réellement? Est-ce que quand même certaines personnes qui ont des pistes de réflexion pour relancer, est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour modérer la discussion, pour l'animer? Ben pour pas la diriger, mais pour l'aiguiller si on veut. Mm-hmm. On se donne un thème de départ, puis ensuite il y a Julien ou moi ou Lauriane Thibodeau aussi qui est dans la gang si on veut, qui vont réorienter des fois si on dérape, mais on veut pas trop contrôler, on veut que ça soit vraiment libre, puis que tout le monde puisse s'exprimer, puis qu'on aborde différents sujets pour vraiment que ça soit éclaté là dans les différents sujets qu'on veut aborder, en fait. Et y avait combien de participants pour la première rencontre, environ? Si je me souviens bien, on était une douzaine. Mm-hmm. Mais c'était très bruyant, donc on va changer de place. Ça va être à la librairie. Ça va être plus tranquille un petit peu, puis on va pouvoir mieux discuter. Oui, il y a quelque chose de plus intime un peu, ouais, avec la configuration de la librairie Saint-Jean-Baptiste par rapport au Maelstrom. Est-ce que c'est une volonté aussi de vouloir changer de lieu à chaque fois? Pas nécessairement. C'est rare en ce moment? Oui, c'est ça, mais pas nécessairement. Ça peut se promener, mais on veut pas que ça devienne une routine non plus. Alors, on verra, là, mais... Si l'endroit nous plaît, on va y retourner, c'est sûr. Et j'imagine que la plupart des personnes qui ont participé à cet événement-là, vu que c'est un événement qui émerge de la Maison des métiers d'art, sont des gens qui sont passés par l'École des métiers d'art. Ouais, là, pour la première rencontre, c'est ça. C'est beaucoup des gens de la Maison des métiers d'art, puis il y avait un chum, puis... Il y avait un autre participant qui était d'une autre école atelier, mm-hmm, qui avait entendu parler. Donc, c'est pour ça qu'on veut que ça s'ouvre à tous pour avoir des différentes opinions, bien sûr. Mm-hmm, mm-hmm. Mm. Différentes opinions, différentes réflexions. Donc, ce mode de partage-là, cette espèce de formule un peu libre, et quelle a été l'inspiration, en quelque sorte, pour le réfléchir, dire ça va être comme ça? Ben, c'est que moi, au point de départ, j'avais un peu peur de ce comité-là, pour un comité de recherche, mm-hmm, en fait. Ça, je trouvais ça lourd. Puis moi, je suis quelqu'un de... Bon, on peut pas dire paresseux, mais je veux dire, j'aime pas que ça soit trop... Rigoureux. Mm-hmm. Ben, rigoureux, oui. Encadré. Mais ouais, c'est ça. J'aime ça qu'on ait de la liberté, donc... Puis quand j'ai parlé avec Julien, on a sorti des idées, tout ça, puis moi, j'ai exposé que j'aimerais ça juste parler d'art en groupe. Mm-hmm. Puis c'est de là que c'est venu l'idée, mais tout ça va sûrement s'aligner vers quelque chose de plus consistant, là. Oui. Mais on parle dans l'événement Facebook, on parle de participer à des discussions, on parle de répondre à des questions ouvertes. Ces questions ouvertes-là, j'imagine, on en parlait tout à l'heure, il y a quand même quelques questions qui sont préparées au préalable pour éviter que ça tourne en rond ou que ça s'essouffle. Avant la rencontre, on se parle, là, je peux pas dire les dirigeants. Les idéateurs, oui, on se parle, puis on soumet certaines questions, puis là, ça part, mais ça prend pas de temps que la discussion, ça s'engage, puis ça arrête pas, là. C'est long, là. C'est le fun. Oui. Il y a pas de... Puis c'est pas... Il y a rien de violent, c'est tout... toutes les opinions sont bonnes, puis j'ai vraiment apprécié la première rencontre. J'ai hâte de voir demain. Il va peut-être avoir plus de monde en plus, alors ça devrait être bien intéressant. Mais on le souhaite qu'il y ait plus de monde, et tu parles de cette volonté que ces comités art discussion questions soient des réunions qui sont vraiment inclusives. L'inclusivité, c'est pas nécessairement facile, surtout dans le domaine des arts, de la recherche, ouais, où ça peut parfois devenir très très pointu, certains éléments. Est-ce que vous avez des éléments de discussion que vous avez, dont vous avez parlé au préalable pour justement encourager cette accessibilité-là, cette inclusivité-là? Pas vraiment, je vais te dire, mais comme je disais, c'était le premier thème, c'était la démarche artistique. Fait que moi, j'aimerais ça que les gens puissent exposer leur façon de voir les arts, puis mm-hmm. la façon de créer, puis tout ça. Puis ça amène d'autres questions de d'autres participants, puis de tranquillement s'acheminer vers quelque chose de plus concret, là, mais... Donc, on va voir ça demain. Oui. À la librairie Saint-Jean-Baptiste, c'est à partir de 18h30. C'est ouvert à tous. Oui. Le comité art, discussion et questions. Mais je te remercie beaucoup, Bernard Hamel. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et nous, on part à la pause publicitaire. Et au retour, c'est la Reine des paillettes qui vient nous parler en studio. CKRL. Communication, culture. Connaissez-vous le magazine Continuité? C'est une revue qui s'intéresse aux traces du passé, qu'il s'agisse de bâtiments, d'objets ou de documents. Ces témoins se trouvent au cœur d'histoires passionnantes que le magazine raconte avec enthousiasme. Continuité traite aussi des paysages et de l'aménagement du territoire, des traditions et des savoir-faire ancestraux. Mais ce n'est pas tout. En plus de faire découvrir ce riche héritage, le magazine aborde les enjeux d'actualité qui le touchent. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le patrimoine québécois, le magazine Continuité est pour vous. Le lieu Centre en art actuel présente l'exposition Total Return de Pierre Pinoncelli, une rétrospective du travail engagé de l'artiste français qui célèbre ses 90 ans cette année. Vous êtes conviés le 26 avril dès 17h au 345 rue Dupont pour le vernissage. Une action hommage à Pinoncelli sera faite par Armand Vaillancourt, qui vous invite à venir participer à la réalisation d'une grande fresque. Les 27 et 28 avril, à partir de 13h, une conférence-discussion autour de sa démarche sera animée par les conférenciers suivants. Maurice Fréchuret, Michel Gainle, Catherine Bernard, Georges Azaria, Guy Sioui-Durand et Jacques Mascotto. Pour plus d'informations, visitez interlelieu.org ou la page Facebook du lieu Centre en art actuel. Au cœur du numéro du printemps de Nuit Blanche, l'imaginaire de la Côte-Nord, ce pays dans le pays qui transforme ceux qui s'y aventurent. Prenez la 138 avec Jean Désy. Que grondent les cataractes et la mer agitée de Rivière-au-Tonnerre jusqu'à Magpie. Aussi, des textes de création d'Érica Soucy et de Noémie Pomerleau-Cloutier, un hommage à Joséphine Bacon par Michel Plot et Gilles Vigneault par Denis Lelièvre. Abonnement, actualités littéraires et plus dans nuitblanche.com. Hey, est-ce qu'on va au cinéma? Acheter des livres? La nouvelle succursale de la librairie Pantoute se situe en plein cœur du cinéma Le Clap à Loretteville. Entrez gratuitement et à tout moment pour découvrir nos suggestions et nos nouveautés. On y trouve même un espace jeunesse pour éveiller l'esprit et l'imagination des enfants. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. Lisez dans le Vieux-Québec, à Saint-Roch et désormais à Loretteville, au 108-85 Boulevard de Lormière. Bouquinerie Nouvelle Chance est une entreprise d'économie sociale sans but lucratif. Notre mission est de rendre la culture accessible au plus grand nombre. Chez nous, vous trouverez des livres, des vinyles, des DVD et des CD. Ne manquez pas notre solde annuel de 50% sur tout en magasin. Une seule journée le samedi 27 avril de 10h à 17h. Bouquinerie Nouvelle Chance peut aussi recevoir vos dons, livres ou disques. Nous sommes situés au 1595 Canardière dans Saint-Pascal. Vous pouvez nous joindre au 418-948-3287 ou encore en consultant notre page Facebook. Retour à l'aérospatiale pour une deuxième demi-heure et j'ai avec moi en studio Christina Fortin, la reine des paillettes. Quel beau surnom! Est-ce que c'est un surnom que tu t'es donné toi-même? C'est un surnom que je me suis auto-donné, oui. Oui. J'avais. C'est venu en blague durant les études de maîtrise de par mon utilisation abondante du brillant dans mes œuvres. Oui. Les gens ont commencé à faire des blagues, puis j'ai fait, dans le fond, moi, je suis juste la reine des paillettes, puis ça a resté. D'accord. Donc, une recherche très approfondie sur les paillettes. Je sais pas si c'est en sérieux. Une petite blague pour commencer. Mais, Christina Fortin t'expose en ce moment l'exposition À cœur joie qui est présentée à la Galerie A. Et dans cette exposition, j'ai l'impression qu'il y a comme plusieurs petits sous-ensembles. Est-ce que tu peux nous parler des différentes pistes que tu as explorées dans ces sous-ensembles-là? C'est en effet considéré de plusieurs petits ensembles, mais grosso modo, je suis allée avec la même trame thématique pour l'ensemble du corpus. Ça joue sur le romantisme, les relations interpersonnelles, mais j'ai vraiment essayé un peu de satisfaire toutes mes questionnements. Donc, il y a des corpus un peu plus sombres qui interpellent presque un photoroman qui nous raconte une histoire d'un amour tragique qui se termine malheureusement mal. On a par la suite le corpus des 10 aquarelles qui sont vraiment romantiques, sont inspirées du Harlequin, du roman Harlequin. Mm-hmm. Je pense que je serais due pour un petit contrat d'illustration de livre. Là. Ça m'a un peu inspirée. J'ai eu beaucoup de plaisir. Donc, c'était un peu plus léger avec les couleurs pastel également qui venaient assembler le tout. Il y a également beaucoup de formes rondes. J'ai essayé de travailler. Oui, une espèce de tondeau allongé, quelque chose de très boudoir aussi. Je voulais que ça fasse un peu des formes de miroir. Je trouve intéressant d'aller chercher un peu plus le reflet, qui est comme une vision de notre identité, qui est toujours un peu biaisée, puis qui est toujours un peu vue à l'envers. Donc, j'essayais... Oui. J'ai remarqué que on dirait qu'il y a comme un glissement un peu plus vers l'intime, quoique dans ton travail on va toujours retrouver le féminin, l'érotisme, l'intime, on est dans la chambre à coucher là plus souvent qu'autrement, mais là on dirait qu'on se rapproche plus de ton expérience personnelle. Est-ce que je me trompe? Non, je pense que c'est un petit peu plus autobiographique comme corpus. j'ai rompu un peu, je me suis fait plaisir en fait, j'ai rompu un peu avec ma tradition de maîtrise qui voulait un corpus bien, bien étayé et défini. Je me suis laissée aller vraiment à créer des images que j'avais besoin de créer tout simplement. Mm-hmm. Puis les fonds noirs ont un peu fait émerger cette sensibilité-là en moi, de parler un peu de mon histoire, ce que je fais pas nécessairement. D'habitude, l'autobiographie, je trouve ça assez délicat. C'est un peu comme livrer son journal intime. Oui, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Et puis, c'est pas quelque chose non plus qui... Mais c'est quelque chose qui est difficile à apporter en art parce qu'il faut aussi avoir une certaine complexité. On n'est pas devant un fil Facebook, on n'est pas devant un fil Instagram. Il y a autre chose, là. Il y a la vulnérabilité, je pense, dans l'autobiographie qui est assez intéressante en art. On a toujours l'impression... Il y a une authenticité qui... Une sensibilité particulière quand les gens viennent présenter quelque chose à la par lesquels ils sont vulnérables. Puis en même temps, c'est un peu notre relation interpersonnelle entre les humains vient souvent du fait qu'on se raconte des histoires, qu'on partage des moments, puis qu'on compte les petits moments où on est vulnérable en tant qu'être humain. Oui. On partage nos expériences comme ça, un peu à la manière d'une soirée de filles où on va se conter nos histoires de garçons ou de vie, nos émotions. Ça va un peu plus dans ce sens-là. Donc, une ouverture, un abandon. Et puis, outre ce glissement vers un peu plus vers l'expérience personnelle que j'ai remarqué dans ton nouveau corpus que tu présentes dans l'exposition à cœur joie, Christina Fortin, j'ai aussi remarqué qu'il y avait un petit peu moins de paillettes. Ouais. Pourquoi? Parce que là, on te connaît comme la reine des paillettes. Oui, il y en a. Mais il y en a beaucoup moins. C'est aussi quelque chose que je voulais expérimenter. En ce moment, j'ai été très plongée dans mon brillant. T'as une overdose de paillettes? J'ai pas d'overdose de paillettes. J'essaie de doser mes paillettes. Peut-être que c'est pas la même chose. Puis j'ai beaucoup... J'étudie en muséologie, donc j'ai été beaucoup dans les corpus de femmes artistes modernes en ce moment et contemporaines. J'ai beaucoup étudié Prudence Edward, Lee Torres Newman. Fait qu'il y a comme cette sensibilité-là de femmes artistes un peu entre l'impressionniste et l'académiste qui me plaît beaucoup dans l'esthétique. Fait que je pense que ça l'a un peu détendu dans ma façon à moi de peindre dans les derniers mois. Ah, c'est intéressant. Tu m'en parles, puis je vois des images dans ma tête. Puis c'était justement ma prochaine question. T'étudies actuellement en muséologie au DESS. Là, tu viens de me parler de ta découverte de certains éléments de l'histoire de l'art des femmes au Québec. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans ces études-là qui viennent apporter des éléments à ta pratique artistique? Je pense que c'est plus l'inverse. Étrangement, l'artiste au musée. Ne jamais oublier la polyvalence et l'autonomie dont les artistes font souvent preuve. Ils montent leurs expositions. J'ai monté beaucoup d'expositions avec mes amis, avec mes collègues à la maîtrise. Donc, ça m'a amené une compétence réelle, finalement. Mm-hmm. Puis, je vous dirais aussi, ça m'apprend à les conservations, restaurations et ces petites notions souvent que... Que l'artiste n'est pas nécessairement trop sensible. Il y a parfois, bien que je sois certaine de la qualité de mes paillettes, j'ai quand même vérifié avec la chimie de mes éléments que ça soit quelque chose de stable. Mais il y a quand même des petites réflexions comme ça qui sont apparues dans ma pratique qui n'étaient pas nécessairement là, qui allaient plus, je vais expérimenter avec les matériaux qui sont à ma disposition. Donc, un peu plus dans la technicalité. Mais tu parlais de ces nouvelles inspirations, de ces différentes figures de l'histoire de l'art au féminin, au Québec. Tu fais beaucoup de recherches iconographiques dans ton travail. Tu t'inspires des romans Harlequin, de la culture populaire. Comment tu procèdes pour faire tes recherches? Comment t'as des coups de cœur pour des images pour dire « elle, il y a quelque chose »? Honnêtement, c'est de l'instinct. Ouais. J'ai une collection d'images depuis que je suis toute petite et depuis que je suis enfant. Puis j'ai parlé beaucoup du collectionnement dans ma pratique de maîtrise. Puis je pense que c'est l'amoncellement d'images qui devient tellement impressionnant et massif qu'on finit par... Je finis vraiment par être capable, à force d'en voir une quantité impressionnante, il y en a qui ressortent. Mm-hmm. Puis ils ont toujours des petites... Souvent, c'est quelque chose... Un peu bizarre, décalé. D'incongru dans le quotidien. Mm-hmm. Il y a souvent cette espèce de rapport-là. On est dans dans le quotidien, puis il y a un petit élément surprenant. Puis c'est souvent dans ces genres de choses-là que j'accroche, ou tout simplement les regards me font également, m'interpellent, les positions un peu lascives. Souvent, je vais être dans une ambiance, puis je vais chercher un peu des images en fonction. Mais en tout cas, c'est tout à fait fascinant, ton univers, Christina Fortin, et on peut le découvrir dans l'exposition À cœur joie, qui est présentée à la Galerie A, et ce, jusqu'au 4 mai 2019. La Galerie A, je le répète, c'est au 17 rue de la Barricade, à la suite 306, donc on se gêne pas, on ouvre la porte et on monte les trois étages. Nous, on va prendre une pause musicale avec une pièce de UV Love. Merci beaucoup, Christina. Ça me fait plaisir. Merci, Jean-Tiane. Monde avec Audrey pour une dizaine de minutes. Ben voilà, on le sait maintenant. Et c'était un extrait de la pièce Ici me visto de mujer. Merci Simon de me faire pratiquer mon espagnol que je n'ai jamais appris. Bonsoir Audrey Caro. Allô Jean-Tiane. Audrey, tu avais envie de nous parler de la foire papier. Ben oui, je devais y être, mais bon, un petit imprévu m'empêche d'y aller. Puis j'avais envie de vous parler de cette foire papier qui a lieu à Montréal. C'est un événement qui a lieu depuis 12 ans maintenant, qui a été fondé en 2007. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un événement qui a commencé dans l'idée de démocratiser l'accès à l'acquisition d'œuvres d'art. Et dans le fond, c'est une foire qui était exclusivement dédiée au papier. Sauf pour cette année. Cette année, c'est ça, exactement. Mais il faut dire qu'à la base, ce n'était pas nécessairement juste des dessins ou des photographies, mais l'idée du médium papier pouvait devenir de plus en plus large. Mais c'est sûr qu'une œuvre sur papier, par exemple, un dessin est plus accessible qu'une grande peinture, par exemple, d'un artiste. Donc, c'était dans cet esprit-là de générer un engouement, un intérêt pour l'acquisition d'œuvres d'art ici au Québec. Et c'est devenu un événement événement très important, un événement qui a été, il faut le dire, fondé par l'Association des galeries d'art contemporain, qui regroupe des galeries à la fois du Québec, du Canada et même quelques-unes de l'extérieur aussi également. Donc voilà, fait que ça c'est super intéressant. Puis comme tu l'as souligné, c'est la première année que cette foire-là s'ouvre à d'autres médiums, mais il faut quand même que les galeries là-bas présentent un minimum de 50% d'œuvres papier, donc qui ont un lien avec le papier. Donc, il y a un ratio à respecter. Oui. Donc, on va pouvoir avoir l'occasion de voir aussi de la peinture, de la sculpture, de la vidéo, de l'installation, c'est ça? Exactement, tout à fait. De la céramique aussi. Donc, c'est vraiment assez diversifié, varié. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que les galeries nous réservent. Mais il faut dire que nous, ici à Québec, hein, si on veut faire le pont, pourquoi je vous parle de papier, c'est qu'on a deux galeries ici de Québec qui y participent. La galerie Michel Guimont et la galerie Trois. Donc, qui vont présenter, qui ont chacun un kiosque là-bas. Donc, c'est intéressant parce que, dans le fond, une foire, qu'est-ce que c'est aussi? Il faut le dire aux auditeurs. Oui. Hein, qu'est-ce que ça consiste en quoi, une foire? Mais c'est une place un peu où chaque galerie a un petit kiosque où, finalement, ils font une sélection, une sorte de pot-pourri des artistes qu'ils représentent. C'est pas obligé d'être tous. Ça peut être... Il y a une sélection qui se fait. Surtout quand c'était... papier seulement, j'imagine que ça restreignait la sélection. Puis là, ben, enfin, les galeries peuvent se permettre d'avoir une sélection qui va chercher d'autres artistes parce que ça finit par se répéter aussi à un moment donné. Ben, c'est sûr. À un moment donné, il y a des limites à ce que le médium papier peut faire, mais quand même, c'était assez surprenant chaque année de voir. Il y avait tout le temps quelques projets qui sortaient un peu de l'ordinaire, qui étaient assez originaux par leur usage du papier. Par exemple, là, je me rappelle d'un Daniel Barrow qui avait présenté des œuvres sérigraphiées sur un rouleau de papier de toilette. Ça, c'est drôle. Fait que quand je parle de manière large, le médium papier, ben, ça peut aller jusque-là, par exemple. Mais voilà, fait que simplement vous dire que la galerie Michel Guimont, si vous avez envie de découvrir ce qu'ils vont présenter, ils présentent tout près d'une dizaine d'artistes et c'est au kiosque E3, alors que la galerie 3 présente 7 artistes de son collectif et c'est à l'espace G4. Et cette année, c'était au Grand Quai. Cette année, c'est au Grand Quai. L'année dernière, c'était à l'Arsenal. Oui. Ce qui fait que ça double presque l'espace pour la foire papier en tant que telle. Donc, les kiosques sont plus grands, j'imagine, cette année. Les kiosques sont un peu plus grands cette année, effectivement. En tout cas, les organisateurs de la foire étaient vraiment extrêmement enthousiastes par rapport à ce lieu-là parce que c'est un lieu qui est tout lumineux, qui est tout neuf aussi. Mm-hmm. Et il y a également, c'est bien aménagé pour recevoir ce type de présentation-là aussi. Par exemple, il y a un auditorium parce que je voulais vous amener aussi à savoir, c'était ce lieu-là, c'est un lieu pour faire des acquisitions, hein, bien sûr. On peut acheter des œuvres d'art sur place, mais c'est aussi un lieu pour s'éduquer sur l'art. Parce que la foire, c'est pas juste une foire marchande, mais il y a toutes sortes d'activités pour démocratiser l'achat d'art. Une douzaine de tables rondes, là. Oui, exactement. Des tables rondes, des visites guidées. Qui sont données par des spécialistes qui vont avec un fil conducteur puis une réflexion très approfondie là, pour ces visites guidées-là. Oui, tout à fait. Puis il y a des sujets qui peuvent être plus poussés, d'autres plus accessibles aussi. Fait que ça s'adresse à un public qui peut être très large, un public qui veut s'initier à l'art contemporain, mais aussi des gens du milieu également, aussi des enjeux. Notamment, là, je pense à une des tables rondes ici où justement Stéphane Laroche du Musée de la civilisation va participer à ça. C'est en fait une table ronde sur la redéfinition d'importance nationale, la notion d'importance nationale. Mm-hmm. Et on le sait, il y a eu beaucoup de brouhaha par rapport à ça dans l'actualité, dans le milieu des arts, ceux qui l'ont suivi. Un jugement de la Cour fédérale du Canada qui a un peu ébranlé la Commission canadienne d'examen des exportations des biens culturels par rapport à cette notion d'importance nationale-là qu'on attribue à ça. Ou qu'on pense aussi l'automne dernier, tout ce qui est arrivé avec les tableaux justement qui ont migré, là, ces ventes entre le Musée des beaux-arts du Canada et une église ici aussi ici oui. à Québec. Donc, ça va rechercher ces questions-là. Fait que c'est, des fois, ça peut être autant plus pointu comme ça, mais qu'on peut parler aussi de nouvelles technologies également, oui, du numérique. Il y a une table ronde sur Instagram, là. Exactement, tout à fait. Comment Instagram joue un rôle par rapport aux artistes, à la manière de mettre en valeur sa pratique artistique, mais aussi de commissarier son propre travail également. Mm-hmm. Une table ronde sur l'appropriation artistique aussi. Il y a à l'heure de l'appropriation culturelle, c'est sûr qu'il y a des enjeux comme l'appropriation artistique. On va rechercher des grosses pointures, Sherry Levine, Richard Prince, puis on les voit d'une autre manière. Là. Exactement. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis autant qu'on a une table ronde sur l'art public aussi, comment, c'est quoi le rôle de l'art public, qu'est-ce que ça apporte dans la ville. Fait que ça aussi, c'est intéressant pour appréhender, dans le fond, de diverses manières, sous plusieurs aspects, l'art contemporain. Et il faut dire aussi, c'est la première fois cette année qu'il y a un volet jeunesse. Oui, ça a l'air fabuleux avec l'artiste Mathieu Cardin, c'est ça? Exactement. C'est en fait un des porte-parole de l'événement qu'on connaît aujourd'hui bien, Laurent Duvernay-Tardif. Tardif, voyons. Ce célèbre joueur des Chiefs de Kansas City dans la NFL, ce Québécois, est l'un des porte-parole de l'événement et il a sa fondation qui met en valeur à la fois la pratique du sport et la pratique de l'art également. Il va y avoir un atelier, comme tu le soulignais avec Mathieu Cardin, pour les 7 à 12 ans. Donc, pour travailler autour de la notion d'installation artistique. Puis, il y a toutes sortes de visites guidées qui vont nous faire découvrir aussi des artistes qui vont être à la Biennale à Montréal. Momenta, la Biennale de l'image aussi, qui va avoir lieu cet automne. Oui, avec la commissaire adjointe Maud Johnson. Exactement, tout à fait. Puis aussi, une activité sur l'initiation au collectionnement de l'art contemporain. Hein? On se demande toujours, mais par où commencer? Comment on fait ça? Donc, c'est une belle manière de s'initier à ça. Donc, c'est vraiment, on ne l'a pas encore mentionné, mais c'est cette semaine. Hein? Si des fois vous passez par Montréal en fin de semaine, faites un petit détour par le grand quai du port de Montréal. Ça vaut la peine du 26 au 28 avril. Mais pour ceux qui, par exemple, auraient envie de vivre une expérience VIP, il y a le programme VIP qui est extrêmement intéressant. Mm-hmm. À la fois, on peut participer à la soirée VIP. Donc, on voit en primeur le jeudi soir les œuvres avant tout le monde, mais également c'est qu'il y a vraiment des activités hyper intéressantes comme des visites d'ateliers d'artistes. C'est des trucs exclusifs, okay. là, mais on peut visiter, donc entrer dans l'antre des artistes, de leur création, des visites d'exposition aussi en compagnie d'artistes, des visites d'institutions muséales, mais aussi de collections privées. Oh wow. Donc, des couples collectionneurs qui nous ouvrent la porte de leur maison pour découvrir, dans le fond, leur collection personnelle, voir comment ça vit au quotidien avec nous et également des visites de collections d'entreprises. Ça, c'est quelque chose qu'on a rarement aussi l'occasion de voir. La collection Sainte-Veste et Giverny Capital, je vous le dis, si vous êtes des friands aussi d'art contemporain, moi, j'ai eu la chance de la visiter dernièrement, Giverny Capital, qui est l'une des plus importantes collections d'art contemporain au Québec. Vous savez, David Atmed au Musée national des Beaux-Arts de Québec, ça appartient... C'est un prêt de Giverny Capital. Donc, ça vous donne une petite idée. Ça vaut la peine. C'est sûr que ça implique des coûts, mais ça n'en vaut l'investissement, honnêtement. Donc, le coût pour les activités VIP, c'est... C'est pour la soirée, seulement c'est 150$, mais ça peut aller jusqu'à 500$, dépendamment de ce que vous choisissez. Mais je sais qu'il y a des prix mitoyens à 250, mais honnêtement, si vous êtes vraiment un friand d'art contemporain puis vous avez envie d'avoir une immersion dans ce milieu-là, c'est bien investi. À vivre. C'est bien investi. Puis vous avez des petits privilèges de voir à chaque jour rentrer une heure avant tout le monde à la foire. Donc, la tranquillité de regarder les œuvres calmement. Faire les foules un peu. Et sinon, l'entrée générale pour la foire papier, c'est 10$. Oui, seulement 10$. Et c'est gratuit pour les 12 ans et moins. 12 ans et moins. Puis il y a un laissez-passer. Si vous voulez venir sur plusieurs jours, par exemple, une conférence ou des tables rondes vous intéresse, c'est 15$ pour les 3 jours. Donc, c'est vendredi, samedi et dimanche. Exactement, tout à fait, Montréal. Au Grand Quai, à Montréal. Bien, merci beaucoup, Audrey Caro, de nous avoir rempli d'informations, de détails comme ça. Ça donne vraiment le goût d'y aller. Et nous, on va aller écouter une pièce qui s'appelle Danka de Partaux. Et ensuite, on parle de ce qui se passe dans le monde des arts à Québec cette semaine. We'll be right back. Alors, à l'aérospatiale, on termine toujours l'émission en se demandant qu'est-ce qui se passe dans le monde des arts visuels cette semaine. On en parlait tout à l'heure en début d'émission. Demain, c'est la deuxième rencontre du comité Arts, Discussions et Questions. C'est à partir de 18h30 à la librairie Saint-Jean-Baptiste. Donc, une belle occasion d'aller discuter librement d'art et de pratiques artistiques et de philosophie, tous les endroits où les réflexions peuvent nous mener ensemble. Il y a également demain une soirée de performance qui s'appelle Contrainte intime. C'est à partir de 19h30 à la Chambre Blanche et c'est au profit de l'exposition des finissants en arts visuels et médiatiques au baccalauréat. Vendredi, c'est au lieu que ça se passe avec le début de l'exposition Total Return de Pierre Pinoncelli qui va être présentée. Donc, le vernissage débute à 17h et pendant le vernissage, il va y avoir une performance spéciale de Pierre Pinoncelli et d'Armand Vaillancourt. Et il va y avoir un colloque toute la fin de semaine autour de la pratique de cet artiste atypique. Il va y avoir des conférenciers invités, Georges Azaria, Catherine Bernard, Maurice Fréchuret, Michel Guinle, Michael Lachance, Jacques Mascotto et Guy Sioui-Durand. Et il va y avoir samedi le lancement du livre d'artistes De soi à l'autre, qui est une collaboration des artistes Gabriel Bélanger et Yana Pichon, et de l'auteur Marie-Josée Lépine. Ça se passe chez Engram, autour d'une tasse de thé, à partir de 15h. Et c'est la dernière chance pour voir cette semaine. Vous avez jusqu'à samedi pour aller visiter dans le Jardin des secrets de Judith Cameroun, à la salle d'exposition du Pavillon des Jardins de l'Université Laval, et l'exposition Printemps, qu'on a eu le plaisir de parler avec l'artiste Marc-Antoine Côté. C'est jusqu'à dimanche à la galerie Michel Guimond. Et nous avons en studio Pierre Blais. Bonsoir. Ben, salut. CKRL. Communication. Culture. Alors, dans quelques minutes, c'est Situation critique qui va prendre le relais du micro de CKRL. Et de quoi on parle, la Situation critique? De plein de choses, mais notamment d'un film de science-fiction, donc qui se passe dans l'espace, en orbite, mais un film d'auteur. Ça, c'est bizarre. Et il se passe des choses louches. C'est des gens, des ex-détenus, des gens, en tout cas, qui ont quelque chose à se reprocher et qu'on envoie comme cobayes dans l'espace. Moi, je l'ai pas vu, le film. OK. Un peu comme l'Australie, mais dans l'espace. Oui. Eh ben, oh, on connaît son histoire, hein, les ex-bagnards qui se sont trouvés là-bas. Mais ça a l'air que c'est sulfureux. Je vais en ça. Il y a des rumeurs. OK. Il y a du soufre sur cette planète-là. Ouais, exact. High life. Alors, merci beaucoup, Pierre Blais. Et, ben, pour nous, on se dit à la semaine prochaine. CKRL. Communication. Culture. Le lieu, Centre en art actuel, présente l'exposition Total Return de Pierre Pinoncelli. Une rétrospective du travail engagé de l'artiste français qui célèbre ses 90 ans cette année. Vous êtes conviés le 26 avril dès 17h au 345 rue du Pont pour le vernissage. Une action hommage à Pinoncelli sera faite par Armand Vaillancourt, qui vous invite à venir participer à la réalisation d'une grande fresque. Les 27 et 28 avril, à partir de 13h, une conférence-discussion autour de sa démarche sera animée par les conférenciers suivants. Maurice Fréchuret, Michel Guinle, Catherine Bernard, Georges Azaria, Guy Sioui-Durand et Jacques Mascotto. Pour plus d'informations, visitez interlelieu.org ou la page Facebook du lieu Centre en art actuel. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Achetez votre carte Abonne Clap pour profiter d'une année cinématographique exceptionnelle. Consultez leclap.qc.ca.